Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 11 avril 2019. Voici les grands titres de cette édition. Un responsable d'un prétendu centre de santé à mairie de Bujumbura est dans la main de la police. Il serait impliqué dans un réseau de trafic des êtres humains au Burundi. Nous aurons les précisions du porte-parole du ministère de la Sécurité publique dès le début de ce journal. Et dans la série de projets de société présentés par les partis politiques, aujourd'hui, c'est le tour du Piébou à Magnéchaka qui met en avant le développement de l'agriculture et la réduction des fêtes et cérémonies. Au Burundi, vous entendrez le président de ce parti dans ce journal. Et les femmes séropositives parviennent à s'autodévelopper et à subvenir aux besoins de leurs familles respectives grâce à l'épargne. Elles sont accompagnées par le projet Nawenose. Reportage à suivre dans cette édition mise en onde par Eli Kadoko. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de le dire dans les titres, le ministère de la Sécurité publique affirme être à l'œuvre pour éradiquer le trafic des êtres humains au Burundi. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité, l'a déclaré ce mercredi à la presse. C'est après la découverte par ce ministère d'un centre de santé qui serait impliqué dans ce trafic des êtres humains. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Pierre Nkurikiye précise que les présumés auteurs déjà appréhendés, dont le patron de ce centre, seront traduits en justice. Suivez Pierre Nkurikiye. Et sur information de la population, le 8 avril dernier, ici à mairie de Bujumbura, dans la zone de Rohero 1, avenue de l'université, au centre de santé Bactlab, la police a découvert un centre de santé qui est impliqué dans le trafic des êtres humains. Et après avoir eu l'information, la police s'est rendue directement à ce centre de santé et y a appréhendé deux victimes du trafic des êtres humains, deux filles, et qui avaient sur elles des cartes jaunes, des cartes de vaccination, cartes jaunes qui les permettent de voyager dans les pays étrangers et qui avaient également des passeports neufs. Et la police a poursuivi la fouille dans ce centre de santé et y a saisi 27 passeports neufs, tout neufs, et 30 cartes jaunes, dont deux étaient vrais et les 28 étaient fausses. Pour les passeports tout neufs, tous étaient des vrais passeports. La police y a également saisi un ordinateur qui est utilisé par les agents de ce centre de santé et pour faciliter ce trafic des êtres humains. Le propriétaire du centre de santé a été également appréhendé par la police. C'est un certain Osman Ali Hussein. Il est Kenyan, d'origine somalienne. Et lui, il dit qu'il ne fait que faire passer des examens à ses victimes du trafic des êtres humains. Et il dit que pour commencer ce travail, il a été contacté par un ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui est basé à Dar es Salaam en Tanzanie et qu'il est parti lui-même le voir à Dar es Salaam et qu'il lui a demandé de faciliter une société qui est impliquée dans le trafic des êtres humains qui s'appelle Al-Sahir. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques années, et quand on avait découvert et démantelé des agences d'au moins 11 sociétés qui étaient impliquées dans le trafic des êtres humains ici à Bujumbura, et la société était également citée parmi ces 11, et vous voyez que malheureusement, elle a poursuivi son travail ignoble de faire le trafic des êtres humains. Et la police y a appréhendé également, à part ce propriétaire de ce centre de santé, la police y a appréhendé des victimes, une certaine Ndahabonayo Goret et une certaine Kamariza Janati. La police a également appréhendé les deux laborantes de ce centre de santé qui vont maintenant être transférées devant la justice pour qu'ils répondent de ces actes. L'enquête va se poursuivre et la police va faire tout possible pour pouvoir appréhender tous les intermédiaires qui se trouvent impliqués dans ce trafic ignoble des êtres humains. Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Ses propos ont été recueillis par Aimé Richard Niyonguru. Et puisque nous parlons de sécurité, deux petits garçons sont morts ce mercredi, emportés par des eaux de ruissellement au quartier Rubouillé. Nous sommes sur le chef-lieu de la province Ngozi. Les corps sans vie de ces victimes ont été retrouvés ce jeudi matin dans la vallée de Viegua. D'abondantes précipitations tombent de jour comme de nuit ces jours-ci dans cette province. Ces pluies mêlées de vents violents ont également détruit une dizaine de maisons dans ce quartier. Politique à présent, dans la série de projets de société présentés par les partis politiques, aujourd'hui nous vous présentons celui de Piébou à Magnéchaka. Ce parti met en avant le développement de l'agriculture et la réduction des fêtes et cérémonies au Burundi. Déon Sanganiyumwami, président de ce parti, propose également la suppression de la langue française en ce qui concerne les relations du Burundi avec d'autres pays, et cette langue pourrait être remplacée par l'anglais. Suivez plutôt Sangani Umwami, président du PIEBU Abanyeshak. Le projet de société du parti PIEBU s'articule sur 10 points principaux. Premièrement, nous avons mis en avant l'augmentation des productions dans tous les secteurs de la vie nationale. Et nous avons donné priorité aux cultures agricoles industrielles, dont notamment le café, le thé, le coton, la canne à sucre, le palmier à huile, l'arachide, le tournesol et autres. Et sans toutefois oublier les cultures vivrières. Deuxièmement, le parti PIEBU a envisagé l'augmentation des superficies cultivables à travers la promotion réfléchie et du système de villagisation, la suppression définitive de l'urbanisation anarchique sur les étendues potentiellement très productives, mais également à la suppression progressive du système de morcellement et de la propriété familiale entre frères et sœurs. Troisièmement, le parti PIEBU Abanyeshak propose une politique extraordinaire en mettant au travail de production dans le secteur de développement une bonne partie de la force très vive de la population. Ici, il est interpellé et sera impliqué dans le secteur de production les policiers, les militaires, les prisonniers, les élèves de l'école primaire, secondaire et universitaire. Quatrième point, le parti PIEBU limitera de façon très visible, très sensible et les cérémonies coutumières. Et ce genre de cérémonie préoccupe la majorité des fonctionnaires, commerçants, hommes d'affaires et autres de lundi à dimanche, et surtout pendant les heures de service. Et dans le domaine du transport, le parti PIEBU a privilégié le transport par voie maritime, ici surtout en ce qui concerne le transport des produits qui sortent du pays, importation ou exportation. Nous avons privilégié la voie maritime parce que d'abord, la voie maritime est très possible et sera beaucoup moins cher par rapport à la voie terrestre. Le parti PIEBU a une très bonne politique de diminuer la démographie galopante et d'octroyer les cartes CAM à la population et de façon gratuite. Et dans le domaine de l'emploi, étant donné que la production aura nettement augmenté, les industries de transformation implantées un peu partout, le parti PIEBU affirme pouvoir attribuer de l'emploi, du travail à plus de 90% de la population. Et lors de rivière, nous avons développé une politique qui va développer cette eau en électricité hydraulique. Et nous avons vu que finalement le Burundi, à partir des barrages installés sur les différentes rivières dans notre pays, le pays aura suffisamment d'énergie, suffisamment d'électricité, voire même à exporter à l'étranger. En rapport des relations multilatérales ou bilatérales, nous avons mis en place une politique de supprimer immédiatement la langue française au Burundi et de faire la promotion de la remplacer par la langue anglaise. Deo Sangani Umwami, c'est le président du parti PIEBU Abanyeshak. Sangani, la radio de l'avenir. La suite de ce journal avec notre envoyé spécial Évariste Nziko Banyanga. Il est à Kayanza. Il nous rapporte que les caféiculteurs de là-bas jugent insignifiant le prix du café cerise pour la campagne en cours. Ils le disent en ce moment où ils acheminent leur production vers les usines à café et ils demandent la revue à la hausse du prix au kilogramme de cette culture industrielle de Kayanza. Évariste Nziko Banyanga. La campagne café bat son plein dans toute la province de Kayanza. Cela étant, les caféiculteurs se plaignent du prix du kilo de café cerise pour cette campagne 2019-2020. Yabendapi, caféiculteur rencontré à l'usine Munghazi, ceux qui disent que 500 francs le kilo reste insuffisant vu les travaux de caféiers depuis leur plantation jusqu'à la campagne. Lui et ses voisins demandent que le prix du kilo du café cerise soit revu à la hausse, ne fût-ce qu'à 1000 francs le kilo. Les propriétaires des usines de Kayanza, eux, indiquent que le travail a repris depuis le 23 mars de cette année et que la campagne se déroule normalement. M. Batigita Odette, propriétaire de l'usine Munghadi, confirme que la production de cette année ne sera pas satisfaisante par rapport à celle de l'année passée. Elle dit avoir collecté 800 tonnes alors que cette année, elle n'attend que 500 tonnes. Les responsables des usines à café de Kayanza évoque également le retard pris dans le paiement survenu l'année dernière. Il demande aux banques de débloquer à temps l'argent pour pouvoir régulariser dans les délais les caféiculteurs qui ont fourni leur production. Au niveau de la Fédération des caféiculteurs de Kayanza, l'on indique également que le prix du café reste trop bas. Mais le représentant de Senac, Murima Wissangi, dans cette province du nord du pays, Ndimbora Claver, est satisfait par le fait que le café n'est pas aujourd'hui vendu frauduleusement dans les pays voisins. Deux usines de l'association Coffee Processing Company sur 48 de Kayanza sont toujours fermées. Selon les sources recueillies sur place, elles ont été victimes du non-rapatriement des devises pour le café qu'elles ont exporté à l'étranger. Depuis Kayanza, Evariste Nzikomanyanga, Radio Isanganiro. Merci Evariste. Et Ndaïze Désiré, surnommé Kadogo, vit à Bujumbura. Il fut un enfant en situation de rue. Il affirme que c'est possible pour cette catégorie d'enfants de quitter la rue définitivement pour entreprendre. Aujourd'hui, il est preneur d'images. Un métier qui le fait vivre, lui et sa famille. C'est un reportage de Jean-Renaud Nyonghez. Comme il nous le dit lui-même, sa vie n'a pas toujours été ainsi. Il était dans la rue, mais il n'aimait pas vivre de la mendicité. Ceci l'a poussé à entreprendre beaucoup de choses, en enchaînant de petits boulots sans se décourager. Aujourd'hui, il est fier d'être compté parmi les photographes à Bujumbura. Brièvement, j'étais un enfant de la rue. Par la grâce de Dieu, j'ai appris beaucoup de métiers. Notamment, j'ai été tambourinaire, j'ai joué au football, j'ai travaillé dans la briqueterie. J'ai commencé la photographie en 2002 et ça m'a rapporté de l'argent au point de me marier avec une intellectuelle. Il affirme que dans son métier, comme dans tout autre, les défis ne manquent pas, entre autres, l'insuffisance du matériel. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une aide. Si quelqu'un m'aide avec ma propre caméra, mes affaires iraient beaucoup mieux. Ndaïze et Désiré invitent d'autres jeunes à ne pas sous-estimer un travail quel qu'il soit. Les gens méprisent le travail. Ils préfèrent commander de l'argent tout étant licenciés. Il demande au gouvernement et à tout autre bienfaiteur à soutenir la jeunesse, surtout celle qui est dans la rue, à les encadrer en matière de l'entrepreneuriat. Également dans l'actualité, la maladie dite BXW qui attaque la banane fait rage dans certaines communes de la province de Gitega depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Les agriculteurs parlent d'une grande perte liée à la chute sensible de la production bananière. Au niveau de la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, l'on indique qu'il n'existe pas de produit contre cette maladie. Et plutôt, il faut détruire et déterrer les bananiers déjà atteints, les enfouir et replanter par la suite d'autres bananiers sans. Gérard Nibigila, correspondance. Les agriculteurs de différentes collines, des communes où la maladie BXW est déjà identifiée, disent qu'il y a un peu plus de 2 ans qu'ils ont vu les feuilles de bananier jaunir, puis assécher par après la tige du bananier pourri. Un régime de banane porté par la tige de banane infectée ne progresse pas et finit par pourrir, indiquent ces agriculteurs. Pour eux, c'est une grande perte du moment que la banane constitue le premier produit agricole à plusieurs importances. Ils la mangent, ils la vendent et en fabriquent du vin de banane. À propos de cette maladie, Denis Nibigira, chargé de la production végétale à la direction provinciale de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, s'exprime en ces termes. Cette maladie s'appelle BXW. Cette maladie vient de l'extérieur du pays. Nous ne connaissons pas la cause, mais elle se propage par les rejets de bananiers lorsque on amène les rejets de bananiers. Qui ne sont pas indemnes de cette maladie peut se propager. Et lorsque le bananier grandit, lorsque il donne un régime de bananier, la partie là avec les fleurs de bananier, lorsque les abeilles viennent chercher du miel, les abeilles peuvent transmettre la maladie d'un bananier à l'autre. Il n'y a pas de médicament contre cette maladie. La seule chose qu'on peut faire, à plus de 10%, il faut faire l'arrachage systématique. aller enfouir ce qu'on a arraché dans un trou très profond. Et puis le matériel qu'on a utilisé, il faut l'amener sur le feu pour brûler les germes. Cette maladie de la banane est identifiée sur certaines collines des communes Bukirasazi, Itaba, Makebuko, Gishubi, Buraza et Bugendana, toutes de la province de Gitega. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Pour boucler l'actualité nationale, les femmes séropositives parviennent à s'autodévelopper, à subvenir aux besoins de leurs familles respectives grâce à l'épargne. Et elles sont accompagnées par le projet Nawenuze. Les femmes regroupées dans ce genre d'association de séropositives se disent satisfaites de la vie qu'elles mènent aujourd'hui et elles affirment que l'adhésion à des associations leur permet de combattre la paresse car elles travaillent en concurrence. Elie Nibel Nibikira. Et les saluts, la présence de l'association d'épargne appelée Nawenuze, qu'elles affirment avoir de l'importance. Ces femmes vivant avec le VIH-Sida ont préféré ne pas croiser les bras pour une raison qu'elles sont séropositives, alors qu'elles ont des familles dont elles ont l'obligation de nourrir. Auparavant, on cotisait 500 francs et 100 francs pour l'épargne. Une avancée s'est remarquée l'année suivante et on est passé à une cotisation de 1000 francs. Cela m'a permis d'acheter de la farine et du sucre pour mon enfant. Nous cotisons 3000 francs la semaine, donc 12 000 francs par mois, quitte à procéder au partage à la fin de l'année. Le bénéfice est énorme. Nous n'avons pas de difficulté à pouvoir satisfaire nos besoins puisque nous sommes en groupe. Dans cette association, chaque membre qui tombe malade ne connaît pas de manque de garde des malades. De surcroît, c'est possible de satisfaire les besoins de leur famille. Lorsque tu es membre de Nawenuze, tu ne peux pas manquer de moyens pour faire soigner ton enfant ou couvrir d'autres besoins alimentaires. En cas de besoin, tu exposes ton problème et tu reçois un crédit que tu vas rembourser petit à petit et sans pression. Le taux d'intérêt n'est pas non plus exorbitant. Avec un crédit de 100 000 francs, tu peux rembourser 110 000 francs dans 3 mois. Les 10 000 francs d'intérêt, on en profite après une année. Nous sommes en association avec d'autres personnes bien portantes, ça ne fait rien. Seulement avoir peur parce qu'on est séropositive, on peut rater des rendez-vous chez le médecin. Être dans une association, ça a une valeur ajoutée parce que je peux m'acheter des habits, mais aussi de la nourriture sans devoir tendre la main à quelqu'un d'autre. La vie des femmes regroupées dans ce genre d'associations est différente de celle des autres, affirme Caritas Kamikadi, directrice du centre Tuliho de l'association ANSS. Le même centre sensibilise les femmes séropositives à intégrer ces groupes d'épargne. Il affirme que ces femmes sont admirées dans la société car elles sont capables de faire vivre leur famille. Ce sont des personnes dynamiques et leurs enfants aussi ont une bonne santé. Elles sont capables de faire des travaux comme les autres personnes normales. Nous sensibilisons pour les appeler à se comporter comme les autres et ne doivent pas se sous-estimer. Ces femmes, regroupées autour de cette approche, travaillent avec énergie pour qu'elles ne ratent pas le partage des gains enregistrés. Autre avantage, selon elles, elles se font surveiller entre elles pour ne pas s'adonner au mauvais comportement. C'était un reportage d'Elie Nibel et Nibigira qui a rencontré certaines femmes séropositives. Et pour boucler ce journal avec l'actualité africaine, et c'est le Soudan qui fait la une. L'armée s'apprête à faire une déclaration importante. Et selon plusieurs sources, des véhicules militaires sont déployés à différents carrefours stratégiques de la capitale Khartoum. Plusieurs sources affirment que le président Omar El-Béchir aurait démissionné après plus de 3 mois de manifestations. Des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus ce jeudi 11 avril dans les rues de la capitale soudanaise Khartoum. Et l'association des professionnels soudanais a appelé la population à rejoindre le rassemblement qui dure depuis samedi devant le quartier général de l'armée et qui est devenu l'épicentre de la contestation. La nuit dernière, la foule a pu manifester dans le calme et même dans une atmosphère festive.